Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude de l'Épître aux Hébreux. Notre Père du ciel, nous continuons à regarder les témoins de la foi véritable. Les témoins qui nous parlent par leur exemple. Qui nous disent, persévère jusqu'à la fin, garde la foi jusqu'à la fin, va jusque dans la mort, dans la foi, car Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu est un Dieu qui ne ment point. Conduis-nous ce matin, réchauffe nos cœurs, si je peux dire ainsi. Fortifie notre intelligence, nous montrant que la foi que nous avons aujourd'hui est la même foi que les anciens avaient. Au nom de Jésus. Amen. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas de croire que Dieu va faire ce que je dis, mais qu'il va faire ce qu'il a dit. Il n'y a pas de foi possible, de foi qui est agréable à Dieu. Il n'y a pas de foi possible si Dieu n'a pas parlé d'abord. La foi dont on est question ici, c'est de croire les promesses de Dieu, de croire l'avenir annoncé par Dieu. Nous avons vu jusqu'à date Abel, Enoch, on a vu Noé, on a vu Abraham, on a vu Sarah. Et nous allons continuer ce matin avec Abraham, encore une fois. Et on a vu jusqu'à date que ce qui a rendu leur foi agréable, c'est qu'ils sont morts dans la foi. Une foi temporelle ou une foi limitée dans le temps n'est pas agréable à Dieu. La foi qui lui est agréable, c'est celle qui commence et qui n'arrête jamais jusqu'à la mort. Lisons ensemble à partir du verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit à Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, dans une sorte de préfiguration, il retrouvera son fils. Donc Abraham, ici, continue à nous parler, malgré qu'il est mort. Abraham continue à être un témoin de la foi et de la personne de Dieu. Vous vous souvenez qu'Abraham avait reçu l'appel de Dieu de quitter son pays et de vivre au pays de Canaan. Il a resté là toute sa vie comme un nomade sous les tentes. Même lui, quand sa femme Sarah va mourir, il est obligé d'acheter un petit bout de terrain des habitants du lieu pour pouvoir enterrer Sarah. Lui-même va être enterré dans le même tombeau, mais ils ne vont jamais vraiment être propriétaires du pays de Canaan. Ils l'ont vu, mais ils ne sont jamais devenus propriétaires, ils n'ont jamais hérité de ce pays-là. Mais Dieu a fait une promesse à Abraham qu'il aurait un fils. Et Abraham avait presque 75 ans quand Dieu lui a promis un fils. Mais c'est à 99 ans qu'il va avoir le fils. Donc Sarah et Abraham sont toutes les deux passées date, dans le sens de dans la capacité d'avoir des enfants. Mais par la grâce de Dieu, par un miracle de Dieu, Dieu leur a dit qu'il n'en aurait un, et ils l'ont cru. Oh, il y a eu toutes sortes de petits moments donnés d'incompréhension, il y a eu toutes sortes de choses qui sont arrivées, ils ne savaient pas trop comment Dieu ferait. Mais Dieu avait dit que Sarah aurait un enfant, et c'est Sarah qui a eu un enfant, et Abraham a eu un enfant. Et là, Dieu, à un moment donné, demande à Abraham de partir et d'aller dans un lieu pour sacrifier son fils, pour faire mourir son fils en sacrifice. Abraham part pour y aller avec son fils Isaac. Mais pourtant, dans sa tête, il dit, il avait reçu les promesses. Isaac avait reçu les promesses. Et Dieu avait dit à Abraham, c'est en Isaac que je vais te donner une grande postérité. C'est à travers Isaac que tu vas posséder le pays. Mais Dieu lui demande de le faire mourir maintenant. Oh, je dis pas qu'il s'est pas passé un paquet de choses dans la tête d'Isaac. Oh, d'Abraham, excusez. Il me semble que oui. Il me semble que ça se peut pas, humainement parlant, qu'il n'ait pas pensé, il n'a pas interrogé, il n'a pas posé des questions. Il n'a pas eu ces moments de difficulté, d'hésitation. Mais finalement, l'histoire nous dit, dans Genèse chapitre 11 à 25, parce que c'est là qu'on voit la vie d'Abraham, que finalement Abraham va aller sur le mont, je pense que c'est le mont Morija, et va attacher son fils sur un autel pour le sacrifier. Il dit, quand il pensait que Dieu était assez puissant pour le ressusciter des morts. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance, c'était la promesse. En Isaac, tu vas avoir une grande postérité. C'est à travers lui que tu vas posséder le pays de Canaan. Il dit donc, Dieu a fait une promesse que Isaac aurait une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Donc, si je le fais mourir aujourd'hui, il va falloir que Dieu le ressuscite des morts pour donner une postérité. Il va falloir qu'il revienne d'une façon quelconque. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Voyez-vous, la foi d'Abraham, ce n'est pas que par ses prières, il obtient ce qu'il veut. Par ses prières, il fait changer le plan de Dieu. Par ses prières, il demande à Dieu d'intervenir, de faire quelque chose pour pas que ça arrive. Non. Dieu a fait des déclarations, Dieu a fait des promesses, et Abraham le croit. Dieu lui dit de faire mourir l'enfant. Il dit, je vais le faire mourir, et je crois que tu es assez puissant pour le ressusciter des morts, afin qu'il obtienne la promesse d'avoir une grande postérité. La foi. C'est ça, la foi. Oh! Ne mélangeons pas la foi avec des versets qu'on a pris hors contexte qui dit, si tu crois, tu vas le voir s'accomplir. Peu importe ce que tu demandes, si tu as la foi, tu vas l'avoir. C'est pas ça, la foi. Abraham, jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il est rendu vieux à ce moment-là, il va marcher selon les promesses de Dieu. Il va mourir, lui aussi, Abraham, dans la foi. Si vous lisez sa vie, il va mourir dans la foi. Sans avoir possédé le pays de Canaan. Mais il va voir son fils vivre. Il va voir son fils avoir des enfants. Il va mourir dans la foi. C'est ça que Dieu veut. Je veux que tu croies jusqu'à ta mort ce que j'ai dit, ce qui allait s'accomplir. Un autre ancien, cette fois-là, ça va être Isaac, verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. L'histoire d'Isaac et de Jacob et d'Ésaü, c'est dans Genèse chapitre 27 et 28. On se souvient, hein? D'Ésaü qui a vendu son doigt d'aînesse à Jacob, et Jacob qui va aller voler la bénédiction d'Ésaü. Mais Isaac à la fin de sa vie. Il est vieux, il est aveugle quand ces choses-là se produisent. Et il va bénir ses deux enfants. Mais il est béni en vue des choses à venir que Dieu avait parlé, que Dieu avait promis. Lisez les promesses, allez voir dans Genèse 27, 28. Et Dieu avait fait des promesses et il va les bénir. Et il les bénit en conséquence des promesses. Parce que lui croit que ce que Dieu avait dit était pour s'accomplir. Il le croit. Donc, dans ses promesses à Jacob, il parle des choses à venir que Dieu avait faites, avait prédit et annoncé d'avance. Et quand il parle d'Ésaü, c'est la même chose. Il les bénit en tenant compte des choses à venir que lui ne verrait jamais. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, Isaac espérait que les promesses de Dieu étaient pour s'accomplir. Croyez, il avait une ferme assurance là-dedans. Donc, ça s'est démontré dans les bénédictions, dans la prière qu'il a faite pour les bénir vers l'avenir, afin que Dieu accomplisse à leur égard ce qu'il avait promis d'accomplir à Abraham, à Isaac et Jacob. Donc, c'est là qu'on voit la foi, frères et sœurs. C'est là qu'on voit la foi. Comme il était dit au verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, Abraham n'aurait pas été agréable à Dieu. Sans la foi, Jacob n'aurait pas été agréable à Dieu. Isaac, excusez, n'aurait pas été agréable à Dieu. Non, il n'aurait pas été agréable. Ces hommes-là n'étaient pas agréables à Dieu à cause de leur vie. Lisez la vie d'Abraham. Il a compté des mentries, il a fait toutes sortes de choses. Il a eu plusieurs femmes dans sa vie. En même temps, je parle. Donc, ce n'est pas des hommes qui étaient parfaits, là. Regardez la vie d'Isaac, c'était loin d'être parfait. Bien, bien loin d'être parfait. Mais ce qui les a rendus agréables aux yeux de Dieu, c'est la foi qu'ils avaient en Dieu. Dieu avait déclaré des choses. Dieu avait prédit des choses. Dieu avait promis des choses. Ils les ont crues jusqu'à la fin de leur vie, sans lâcher. Encore un qui, selon le verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Isaac est un de ceux-là aussi. Il n'a pas obtenu ce qui avait été promis. N'a pas obtenu. Mais il est mort en bénissant ses deux enfants en vue des choses à venir. C'est pour ça que l'auteur parle ici à ses lecteurs. Vous devez, vous aussi, comme Abraham, comme Isaac, comme Noé, mourir dans la foi. Quand vous allez être sur votre lit de mort et que vous allez parler à vos enfants, vos dernières paroles à vos enfants, est-ce que vous allez leur dire, un jour, Dieu va venir et va accomplir à votre égard ce qu'il a promis. Est-ce qu'on va parler de notre foi? Est-ce qu'on va dire, je pars, mais n'ayez pas crainte, je meurs pas, je m'en vais dans un monde nouveau, je m'en vais dans la présence de Dieu. Dieu a promis qu'il m'avait purifié de mes péchés, Dieu a promis qu'il me lavait, Dieu a promis qu'il m'accepterait dans sa présence à cause que je me suis repenti, à cause que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Je ne meurs point. Je change de vie. Je m'en vais maintenant, non pas marcher par la foi, mais je m'en vais marcher par la vue. Je meurs dans la foi. Est-ce que ça va être ça, nos dernières paroles? Ou sur nos dernières paroles, ça va être, je me suis fait avoir, c'est pas vrai. En tout cas, si c'est vrai. Comme quand quelqu'un m'avait dit un jour, quand ma fille est décédée. En tout cas, j'espère que ce qu'elle croyait est vrai. Donc, cette personne-là ne croyait pas ce que ma fille lui avait dit. Elle ne croyait pas ce qui a été prêché à son service. Elle ne croyait pas que Geneviève était déjà dans un lieu qui était la présence de Dieu. J'espère que c'est vrai ce qu'elle a dit. Mais c'est pas une ferme assurance, ça. C'est pas une certitude, c'est pas une conviction. Ceux qui ont la foi l'ont jusqu'à la fin de leur jour. Notre bon Père du ciel, merci. Merci de ces deux exemples encore ce matin. Merci d'Abraham qui a cru. Même si ça avait été mis à l'épreuve, il a cru. Il a cru que tu étais assez puissant pour ressusciter des morts. C'est ce que nous croyons aussi. Même si on va mourir sans avoir vu, nous croyons que tu étais assez puissant pour nous ressusciter d'entre les morts et nous faire entrer dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, dans ta présence, avec notre corps, comme tu l'as promis. Et Seigneur, nous sommes comme Isaac, nous te bénissons en fonction des choses à venir. Nous te bénissons et nous prions, nous encourageons, nous stimulons ceux qui nous entourent en parlant des choses qui sont à venir. Pas les choses de ce monde, mais les choses du monde à venir. Ô notre Dieu, nous sommes heureux, nous t'adorons, nous te louons parce que tu es un Dieu de parole. Nous voyons bien à travers la vie de ces hommes et de ces femmes. Ce que Abraham n'a pas vu, nous le voyons dans la lecture de ta parole. Finalement, le peuple d'Israël a pris possession du pays de Canaan. Ça s'est accompli. Les promesses que tu avais faites à Adam, lui, il l'a pas vu. Mais nous, on l'a vu. Jésus-Christ est arrivé, il a écrasé la tête du serpent. Combien de promesses qui avaient été faites aux anciens que nous avons vu l'accomplissement à travers les Écritures. Donc, ce qui est devant nous, les promesses qui n'ont pas encore été accomplies à cause de la foi que tu nous as donnée, nous avons une ferme assurance. Nous avons une conviction profonde qu'elles vont s'accomplir. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.